L'histoire se doit d'être pluridisciplinaire et l'archéologie y contribue désormais pleinement, même pour les périodes récentes, l'histoire du temps présent. Avec la disparition des derniers acteurs du conflit de 1939-1945, alors que l'érosion des sols, le commerce clandestin du militaria ou l'aménagement du territoire font disparaître nombre de traces matérielles, les archéologues à travers le monde se sont engagés depuis quelques années dans l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale. En France, cette thématique est portée par un chercheur presque mon homonyme, Vincent Carpentier, chercheur à l'INRAP et qui, après l'archéologie du débarquement, publie aux éditions de La Découverte pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Pour évoquer ces thématiques et l'axe de recherche, j'ai retrouvé Vincent Carpentier le long de la côte fleurie, entre Caen et Trouville, au sommet d'une plage, sur un gigantesque blockhaus, symbole d'une guerre de béton et d'acier. Le béton, l'acier, les grands protagonistes de la Seconde Guerre mondiale, c'est essentiellement ce que les archéologues retrouvent, à vrai dire, ces vestiges de guerre, ce sont avant tout des constructions, des ruines, des remblais qui sont caractéristiques de l'ère contemporaine, construits aussi par la sueur et la souffrance de prisonniers, de travailleurs forcés, de déportés, de soldats. Et ils ont marqué le paysage d'une manière indélébile. On vit aujourd'hui quasiment sans les voir, à vrai dire, dans certaines régions, en particulier sur le littoral de l'Atlantique. Ils font partie aussi de non seulement de notre quotidien, aussi de notre imaginaire, de nos représentations cinématographiques, artistiques, et même d'une économie touristique en plein développement aujourd'hui. Donc j'ai trouvé intéressant, en tant qu'archéologue, de m'intéresser à ces vestiges d'un peu plus près. Donc, en fin de promenade, nous avons suivi toute la journée un Saint-Jean-l'Hiver, c'est bien ça ? Oui, alors le film d'Henri Verneuil, Un Saint-Jean-l'Hiver, tourné en novembre 1961, c'est un petit peu le révélateur de cette présence de ces vestiges de la Seconde Guerre mondiale dans notre imaginaire, je le disais, dans notre culture artistique cinématographique en l'occurrence aujourd'hui. Ce sont des vestiges inertes, passifs, étalés sur la plage, qui sont le souvenir très encombrant, il faut bien le dire, dans le film de Verneuil. Et dans le roman éponyme qui a précédé ce film, des souvenirs encombrants parce qu'il nous renvoie en France aux souvenirs d'une occupation dont en 1962, quelques mois à peine après les accords d'Évian, on n'a pas forcément envie de se souvenir, mais des vestiges qui sont bien là et qu'il convient aujourd'hui peut-être de regarder pour ce qu'ils sont. Ce sont des traces de la genèse de notre monde actuel. Si nous sommes aujourd'hui sur le mur de l'Atlantique, faut-il rappeler aussi que l'Europe, entre les deux guerres, a vu l'apparition de fortifications frontalières un peu partout ? Le fait est que ces grandes défenses, ces grands ouvrages défensifs de la Seconde Guerre mondiale sont mondialisés. Voilà. Donc on n'a pas affaire seulement à un mur de l'Atlantique, mais aussi, pour en rester au seul cas français, à un mur de la Méditerranée, à un mur des Alpes, et puis si on va un peu plus loin, un certain nombre de lignes défensives à travers toute l'Europe, jusqu'à l'Europe de l'Est, dans le Pacifique, des constructions absolument gigantesques mises en place également par les Japonais pour contrer les assauts des marines américains. On en trouve en réalité à travers l'ensemble du théâtre qui est mondialisé. Côté italien, il y a la Vallo Alpino, c'est ça ? Dans les montagnes, dans les Alpes ? Oui, alors le mur des Alpes, Vallo Alpino, effectivement. Alors, côté, sachant que c'est transfrontalier, hein, il y a une partie aujourd'hui en France, une partie en Italie, en Suisse. Bon, bah, c'est encore un exemple de ces grandes lignes, cette fois destinées à fortifier une frontière montagnarde, associée à des fortins, etc. Alors, il n'y a pas eu véritablement de fouilles archéologiques sur le Vallo Alpino. Ce sont surtout, encore une fois, des travaux d'inventaire et puis de restauration d'un certain nombre de segments de manière à pouvoir les exposer au public, à en raconter l'histoire. Vincent Carpentier, le mur de l'Atlantique n'est pas que d'acier et de béton, c'est aussi une sorte de vaste bricolage avec des matériaux bien moins glorieux. Oui, le mur de l'Atlantique, si c'est un mur, en tout cas, il est plutôt hétéroclite, avec des matériaux composites, parce qu'il a été construit sous les auspices de l'organisation TOT, mais qui est en fait une organisation tentaculaire qui mettait en place un système de travaux forcés et également de réquisitions auprès des différentes entreprises de bâtiments des pays occupés. Donc, ceci couplé aux pénuries de matériaux, de construction d'acier en particulier, etc., explique que tout au long de la chronologie de sa construction, eh bien, ce mur a dû s'adapter un peu à des conditions locales, à des phases de pénurie, et donc montre aujourd'hui, et c'est ce que révèle l'archéologie, au-delà des images, pour beaucoup d'ailleurs véhiculées par la propagande allemande elle-même, hein, dans les films, la presse, etc., d'époque, que beaucoup de gens ont encore en tête aujourd'hui, au-delà de ces images, eh bien, les réalités sont beaucoup plus compliquées. On a affaire à des ouvrages en briques, des constructions qui n'entrent pas dans les nomenclatures officielles du Troisième Reich, et puis également au niveau des armements, eh bien, une espèce de système D, voire des changements de dernière minute qui se lisent assez bien sur le terrain dans l'agencement des vestiges et qui donnent une image tout à fait différente aujourd'hui à partir de l'archéologie de ce vaste dispositif. Donc une image également qui interpelle les historiens. J'ai souvenir d'avoir visité un chantier archéologique, bien sûr, de l'INRAP, qui était un aéroport dans lequel, grosso modo, les soldats allemands vivaient dans des sortes de huttes médiévales quasi souterraines. Oui, alors j'irai pas jusqu'au médiéval, mais pour ce qui est du quasi souterrain, on peut enlever le quasi. Bon, il s'agit bien sûr de s'abriter contre les raids aériens sur des aérodromes. Ce site, c'est l'aérodrome de Caen Carpiquet version occupation, un aérodrome qui existait donc avant guerre et qui était un aérodrome français utilisé entre autres par donc l'armée de l'air, et puis qui a été, comme tous ces sites-là, pour des raisons stratégiques bien compréhensibles, récupéré à l'occupation par les troupes de l'Axe, les troupes allemandes en l'occurrence, et puis aménagé notamment avec des moyens de défense anti-aérienne, on parle de FLAC pour les défenses allemandes, et effectivement a eu lieu une fouille préventive de l'INRAP sur une de ces positions dont on ne connaissait le plan et puis les troupes affectées par exemple qu'à partir de quelques archives. Il faut savoir que c'est quand même des grosses zones d'ombre en termes d'archives subsistantes, hein. Ces positions-là ne sont pas toujours documentées, loin de là, et en termes archéologiques, on disposait surtout de photos aériennes. Donc on est allé voir à quoi ressemblaient ces bunkers et on n'a pas du tout trouvé une architecture de béton, encore une fois, conforme aux nomenclatures de la Luftwaffe et de l'armée allemande en général, mais des constructions un peu de briquet de broc, faites avec des briques, des bétons faits sur place, etc., dans lesquels ont vécu la garnison, en gros, hein, affectée à la défense de cet aérodrome, jusqu'à l'arrivée des Alliés. Donc depuis, a eu lieu une seconde fouille, les travaux d'analyse sont encore en cours aujourd'hui, avec des vestiges comparables, tout aussi hétéroclites en tout cas, associés à l'aéroport de Tarbes. Donc ça nous éloigne de la Normandie et du mur de l'Atlantique, on voit bien, sont des dispositifs qui ont concerné l'ensemble du théâtre d'opérations et d'occupation. Après 1941, et bien sûr Pearl Harbor, le fameux Tora Tora, les Japon conquièrent bien sûr un immense territoire comprenant la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, mais aussi toutes les îles du Pacifique et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On se souvient bien sûr de Midway, Guam, Palau. Une archéologie est-elle entreprise sur ces terrains très exotiques ? Tout à fait. Au même titre que les archéologues britanniques se sont intéressés aux vestiges de leur home front, les archéologues américains sont allés aussi travailler sur très tôt, dès les années 80 en fait, hein, de manière simultanée, sur les théâtres extérieurs, et en particulier ceux de la bataille du Pacifique, qui représente pour les États-Unis un épisode absolument fondamental, bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale. Ces attentes du public, cette histoire quasi mythologique aussi de la Seconde Guerre mondiale vue par les États-Unis, s'est traduite par ces opérations d'archéologie qui ont aussi, de la part des Américains, consisté en de grandes prospections exhaustives, des inventaires exhaustifs, avec des sondages archéologiques y compris subaquatiques, de manière à enregistrer la totalité du patrimoine sur les atolls du Pacifique et surtout également à aider les États micronésiens à construire, organiser ces mémoriaux qui attirent aujourd'hui beaucoup de visiteurs et qui sont à l'origine également d'une économie touristique, culturelle tout à fait importante pour ces régions du monde. Oui, c'est même visiblement même une sorte d'enjeu international entre notamment les Japonais et les Américains. Il y a des tensions sur le sujet ? Oui, bien sûr, sur ce sujet comme sur d'autres, en lien avec le dernier conflit mondial, qui résonne encore beaucoup aujourd'hui à travers la planète. C'est également la traduction du clivage entre vainqueurs et vaincus. Bon, le Japon, comme chacun sait, à travers le monde, a quand même connu l'enfer nucléaire à deux reprises avant l'arrêt complet des hostilités, ce qui a inauguré la nouvelle ère de dissuasion que nous vivons aujourd'hui. L'actualité nous le rappelle d'ailleurs de manière très claire. Alors les ressentis, les cultures de guerre, puis par la suite les héritages mémoriels ne sont évidemment pas les mêmes entre vainqueurs et vaincus, entre États-Unis et Japon en l'occurrence, et ça donne lieu évidemment à un certain nombre de, parfois de tensions, en tout cas à minima de discussions, qui sont à mon avis tout à fait passionnantes et intéressantes, puisque elles sont le moyen de communiquer pacifiquement autour d'une mémoire partagée, et c'est un peu ce qu'on peut constater aujourd'hui sur ces sites, donc révélés beaucoup, même essentiellement, sinon complètement par des archéologues américains, c'est que les touristes japonais, ils sont tout aussi nombreux, s'y rendent également pour des cérémonies mémorielles et y entretiennent des temples, un certain nombre de structures d'accueil pour le tourisme et qui sont aussi le signe d'une aspiration mondiale à la paix. N'oublions pas, bien sûr, le champ de bataille. Nous avons déjà beaucoup parlé du débarquement, qui reste l'opération, l'assaut le plus puissant de cette Seconde Guerre mondiale. Des opérations archéologiques ont été aussi menées dans le Pacifique, notamment, par exemple, sur la bataille de Peleu. C'est bien ça, le Nowhere Atoll? C'est ça, le Nowhere Atoll, l'atoll de nulle part. C'est les Marines qui l'ont surnommé comme ça, par désespoir. Donc Peleliu, dans l'archipel des Palaos, Micronésie, c'est une île entièrement transformée en champ de bataille, entièrement dévastée. Les indigènes qui ont donc subi entièrement ce conflit l'ont appelé le typhon. Donc ils l'ont vécu vraiment comme un cataclysme absolu et définitif, parce que ces Japonais enterrés dans leurs cavernes ont tenu jusqu'au dernier, et les combats menés par les Marines américains pour les en déloger ont été d'une extrême violence. Aujourd'hui, à la suite des inventaires menés par les archéologues américains, ces sites sont devenus non seulement des mémoriaux, mais je le disais tout à l'heure, des musées partagés à ciel ouvert, c'est-à-dire que c'est l'île tout entière est un musée à ciel ouvert visité par des visiteurs venus du monde entier. Oui, visiblement, le sort des Japonais fut absolument terrible. Des légendes subsistent donc aujourd'hui autour des esprits et qui hanteraient encore les lieux. Oui, alors c'est une facette très original de ce travail des chercheurs américains qui a consisté aussi à s'intéresser à l'écho de ce typhon de Peleliu dans les traditions locales, dans la mémoire orale des habitants de ces îles. Et effectivement, il existe encore, notamment autour de ces réseaux enterrés, ces réseaux karstiques, ces grottes aménagées par les Japonais, et bien un certain nombre de croyances, de légendes qui parlent de revenants, de fantômes, etc. Tout simplement du fait que ce sont effectivement des sépultures. Et que des corps japonais y sont encore ensevelis. Et donc, une histoire profondément marquée par cet aspect macabre, avec un héritage qui est quand même particulièrement sensible et difficile à porter aussi pour les populations micronésiennes. Le champ de bataille, ce n'est absolument pas un lieu de mémoire pour les historiens. C'est la nécropole militaire qui est le lieu de mémoire pour ceux-ci. En tout cas, qu'en est-il de tous ces cimetières, et notamment de ces cimetières provisoires qui ont totalement disparu du paysage? Oui, parce qu'avant d'en arriver à ces grandes nécropoles, alors parmi les plus connues, celle de Normandie, Omaha Beach, Colville-sur-Mer, on pourrait parler des cimetières britanniques de Ranville, etc. aussi. Avant d'en arriver à ces grands cimetières mémoriels sur lesquels ont lieu tous les ans les commémorations internationales, il a fallu bien sûr ensevelir les corps sur place, sur les champs de bataille, puis les relever par la suite. Ce que retrouvent les archéologues, ce sont donc ces premiers enfouissements de corps, souvent dans l'urgence, dans des conditions très précaires, ces sépultures dites provisoires, qui ne contiennent généralement plus leurs corps. Ça arrive, mais c'est relativement rare. On trouve encore notamment des soldats allemands, par exemple, sur les fronts occidentaux, tout simplement parce que au fur et à mesure de leur retraite, les troupes allemandes ne sont pas venues relever leurs corps, à la différence des autres belligérants. Ces sépultures provisoires nous apprennent un certain nombre de choses, de même que pour la Grande Guerre, d'ailleurs, sur la façon dont les différentes nationalités traitées ou non leur mort. Quand on voit aujourd'hui l'armée russe abandonner les corps de ses recrues en Ukraine, on a une assez bonne représentation dans l'actualité de ce qu'a pu être la retraite des troupes du Troisième Reich, notamment sur le front de l'Est, où subsistent encore des sépultures de masse, des centaines et des milliers de soldats dans certains secteurs restés sur place avec tout leur équipement. C'est une véritable recherche avec analyse ADN qui est en cours. Alors là, on est vraiment à la croisée de la discipline archéologique scientifique telle qu'on la conçoit en France, et puis de la recherche des corps pour les familles, des démarches internationales, d'une certaine forme de deuil après-guerre qui a encore lieu aujourd'hui. C'est loin d'être complètement éteint, notamment sur ces zones de front. Je parlais du front de l'Est où il n'existe pas d'archéologie systématique, l'aménagement n'est pas suivi d'archéologie. Il existe aussi des grandes zones qui sont pas ou peu aménagées. Ça donne surtout lieu à un pillage mondialisé parce que tous ces équipements de troupes abandonnés sur place, eh bien, ce sont autant d'objets de militaria qui sont vendus à travers le monde avec un delta, un différentiel de valeur marchande tout à fait considérable pour des populations des pays baltes ou des pays de l'Est en général, dont le niveau de vie est bien sûr très inférieur à celui moyen des États-Unis ou d'Europe occidentale. Donc ce pillage pose un certain nombre de problèmes puisque lorsqu'il est sauvage, non encadré, eh bien, les corps disparaissent au profit des seuls objets. Et donc c'est tout un pan de ce grand deuil collectif qui ne pourra jamais être accompli. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Justement, Vincent Charpentier, on se souvient de la découverte de la gourmette de Saint-Exupéry, qui avait été trouvée bien sûr près de son avion qui avait été abattu en Méditerranée. Au-delà de cette anecdote, est-ce qu'il y a une véritable archéologie sous-marine liée justement à cet événement ? Oui, on trouve aussi d'ailleurs des gourmettes sur la terre ferme. On en a retrouvé une au sud de Caen, dans un campement divisionnaire canadien, qui, par chance, portait le matricule et puis une dédicace offerte par sa fiancée, qui s'appelait Rose, à un soldat canadien. Bon, il a dû la perdre tout simplement dans son abri, et puis il est rentré au Canada, cet homme, et à la suite des fouilles archéologiques, l'INRAP, nom de l'État français, a restitué cette gourmette à ses descendants. Voilà, pour dire que l'anecdote, c'est pas seulement le corps d'Alain Fournier au 14-18 ou Saint-Exupéry en 39-45, c'est aussi beaucoup d'anonymes à qui parfois on rend un nom, et d'ailleurs peu importe, ce qui compte c'est de comprendre en gros la nature vécue profonde des événements. Alors il existe une archéologie subaquatique un peu partout, en Normandie bien sûr, les vestiges liés au débarquement, l'opération Neptune, à travers le Pacifique, toutes ces épaves, des atolls, notamment je pense à un atoll comme Chuuk qu'on peut visiter aujourd'hui en plongée, donc avec évidemment une hyper esthétisation de ces épaves d'avion ou autres dans des eaux turquoises. On connaît très bien le site de Scapaflow dans un environnement géographique tout à fait différent au nord de l'Écosse, où surtout des épaves de la Première Guerre mondiale, mais aussi de la Seconde, que les plongeurs peuvent visiter. Et puis, au-delà de tout ça, dans le Pacifique en particulier, mais partout à travers le monde, dans les océans, eh bien, des épaves qui sont des sépultures de guerre, elles aussi, qui sont pillées, notamment dans la région Pacifique, pour récupérer les métaux rares qu'elles contiennent. Donc, c'est ce qui déclenche, évidemment, des problèmes relationnels, diplomatiques, parfois de très grande ampleur, entre les Américains, par exemple, et la Chine, pour citer qu'eux. Et puis, également, des questions de pollution, qui nous touchent partout, en Baltique, par exemple, mais pas seulement en Atlantique, toutes les mers et océans du monde, avec ces larmes noires de l'océan, ces hydrocarbures, notamment de synthèse produits par le Troisième Reich, et qui s'échappent sur les fonds marins, et ce qui pose un certain nombre de problèmes au vu des coûts que représenterait leur nettoyage. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un coquillage, Crepidula fornicata, qui a conquis le monde grâce à l'armée américaine. Vous avez tout à fait raison, comme quoi les impacts de ce conflit sont vraiment, vraiment très variés et multiples. Oui, cette crépidule fornicatrice, elle est venue dans nos régions, où elle est aujourd'hui une espèce invasive de premier plan, qui pose notamment des problèmes par rapport à la coquille Saint-Jacques. Voilà, cette crépidule, elle est venue sur les bateaux américains. Il en existait peut-être, d'après certains biologistes que j'ai rencontrés, pour la petite histoire des versions indigènes avant, mais elles ont été totalement submergées par ces arrivants du Nouveau Monde. Et aujourd'hui, eh bien, ça représente un problème de pollution, très clairement, dans nos régions depuis la guerre. Et on les retrouve aussi dans le Pacifique comme dans l'océan Indien. Nous avons consacré deux émissions au camp d'internement et d'extermination, le Strudov, bien sûr, en France, et Sobibor en Pologne. L'internement des civils est un point totalement méconnu, notamment du côté américain. Que se passe-t-il ? Cette archéologie de l'interment, on la connaît surtout dans nos régions, en France, par un camp de concentration, celui du Struthof, on avait parlé, beaucoup de centres d'internement pour des civils, notamment des juifs, mais pas seulement, opposants politiques, etc. Bon, faites souvent des camps qui ont même été ouverts avant-guerre, par exemple pendant la retirada espagnole, pour y, j'ai envie de dire, entre guillemets, hein, d'y stocker des populations dont le gouvernement français n'avait que faire. Et puis, par la suite, ils ont connu une existence sous forme de centres de détention, etc. Ça s'est pas arrêté non plus en 1945. On a affaire aussi à des formes d'internement de type policier, etc., avec des cellules de Gestapo qui ont été fouillées par un certain nombre d'archéologues, en tout cas des parties qui ont, des résistants ont laissé des graffitis, par exemple. Alors on a ça au Mont-Valérien, on a ça à Drancy, enfin voilà, pour brosser le portrait. Aux États-Unis, une réalité qu'on ne connaît pas vraiment chez nous, de cet internement de la Seconde Guerre mondiale, celui des citoyens d'origine japonaise qui ont été regroupés dans des camps de concentration à travers tout le territoire et dont les Américains, depuis les années 1980 aussi, archéologues américains, ont entrepris le recensement et l'étude exhaustive. Ça a débouché sur des travaux très très intéressants d'anthropologie culturelle et au-delà de l'internement, sur l'héritage culturel, politique, culinaire de ces citoyens américains d'origine japonaise qui, malgré tout, majoritairement, ont, tout au long de la guerre, continué de soutenir leur pays, les États-Unis. On les appelle les Nikkei, visiblement. On en connaît au Canada, à Hawaï, dans le Manitoba. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une sorte de dissonance entre l'archéologie et le récit des témoins. Oui, et c'est quand même très souvent le cas. Alors, il se trouve que dans ces époques contemporaines, on a affaire encore à des acteurs, des victimes, des témoins vivants. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, par définition, pour les périodes passées. On a recours à l'écrit, à la photographie, à l'art, etc. Là, on a affaire à des personnes vivantes qui nous racontent ce qu'elles veulent bien, ce dont elles se souviennent. Alors, beaucoup de témoignages, bien sûr, sont à prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des souvenirs recomposés, etc. Mais beaucoup aussi contiennent des informations, au-delà de l'individu lui-même, extrêmement précieuses pour nous, archéologues, pour reconstituer le vécu, les conditions, les modalités, un certain nombre de comportements qui ne sont pas forcément visibles à travers les objets. C'est ce dont on a pu notamment s'apercevoir, pour revenir en Normandie, lors de l'étude archéologique d'un vaste refuge souterrain de civils dans des carrières de calcaire près de Caen, où s'étaient engouffrés des centaines de personnes fuyant les bombes dans l'Exode, ne sachant où aller. Ils se sont cachés dans ces carrières pour échapper à la destruction. Et grâce à quelques témoins extrêmement précieux, notamment, je pense à Yvette Le Timonier, dont j'ai pu recueillir les témoignages, qui avait 11 ans à l'époque et dont les souvenirs étaient restés extrêmement précis, on a pu avoir la chance exceptionnelle d'avoir avec nous bien une sorte de guide qui nous a aidé à comprendre un peu plus finement les vestiges auxquels nous étions confrontés. Et ça, c'est vraiment une dimension tout à fait passionnante de ce travail interdisciplinaire de l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Pour nous, la Seconde Guerre mondiale s'arrête bien sûr en 1945. On sait que pour un unique Japonais, Taro Nakamura, la guerre s'est achevée en décembre 1974 sur une île du Pacifique, le dernier combattant donc de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que montre l'archéologie, c'est que bien après l'armistice, des camps perdurent, même très longtemps. Vous en avez fouillé ? Oui, alors on a effectivement... Vous parliez des traînards japonais, la traduction française, les traînards, les stragglers qui sont restés dans leurs îles, croyant que la guerre continuait toujours jusque effectivement les années 70, c'est quand même incroyable. On a affaire aussi à des phénomènes comme ça de perduration des conséquences directes du conflit, notamment sous forme d'internement des prisonniers allemands dans nos régions, qui ne bénéficiaient pas du statut de prisonnier de guerre. Alors quand à Berlin la guerre s'est terminée au printemps 45, les alliés se sont retrouvés avec des milliers et des milliers de soldats allemands dont ils ne savaient, à vrai dire, que faire pour des raisons d'alimentation, d'hygiène, etc. Et puis également, on voulait répondre aux demandes de réparation, notamment, on pense notamment au déminage, au tri des déblés, etc., dans les pays ravagés par la guerre. Donc ils ont renvoyé des grands contingents de ces prisonniers vers les anciens pays occupés, dont la France, qui les a accueillis par 10 000 prisonniers allemands pour camp, par exemple, réunis dans un camp, des prisonniers dont l'histoire a été retracée notamment en premier par l'historien Denis Péchanski à l'échelle nationale, et puis qui font aujourd'hui, depuis quelques années, l'occasion de travaux d'archéologie à la suite de découvertes lors d'aménagements d'archéologie préventive, des prisonniers qui sont restés en France au nombre d'à peu près 1 million jusqu'en 1948. et qui ont donc largement contribué au déminage. C'est quelque chose qu'on a vu notamment à travers un certain nombre de films, mais de manière très générale à la reconstruction du pays. Et certains d'entre eux ont même fait souche chez nous, en trouvant une épouse, en s'installant, devenant agriculteur, etc., dans des petites entreprises, et sont restés en France, ce qui montre bien que nous avons hérité aussi de cette nouvelle mixité, de cette réconciliation de facto entre les peuples après-guerre. On sait bien sûr que l'archéologie dans l'ancien bloc soviétique est très difficile pour cette période, notamment stalinienne. Qu'en est-il en Allemagne ? À Berlin, visiblement, quelques grands bunkers ont été étudiés, notamment lors donc d'un concert de Pink Floyd. Oui, alors il y a effectivement en Allemagne un nombre absolument vertigineux de bunkers conservés, notamment ces bunkers anti-aériens ou hôpitaux ou administrations souterraines, etc., qui étaient tellement solides et puis surtout construits sous, dans le sol, des villes actuelles que les alliés, qu'ils soient soviétiques ou américains d'ailleurs, ont assez rapidement abandonné l'idée de les détruire. Voilà, donc beaucoup ont été reconvertis ou purement et simplement abandonnés, ça donne lieu d'ailleurs à des campagnes d'urbex dont on peut prendre connaissance sur YouTube assez facilement, etc. Bon, c'est une mode actuellement qui est beaucoup développée par ces sites-là, également à Moscou, hein, d'ailleurs, avec ces abris qui ont été réutilisés pendant la guerre froide, abris atomiques, et puis dont on ne sait que faire. En France, on a effectivement un petit peu le même genre de problème avec les bases de sous-marins allemandes, par exemple, du mur de l'Atlantique, qui sont des cubes de béton colossaux dans lesquels, bon, à Marseille, on a pu voir une entreprise installer un data center, mais qui, dans un certain nombre de cas, reste à l'abandon. La Marine nationale n'en a plus l'usage, on ne sait qu'en faire. Alors, dans des villes comme Bordeaux, par exemple, ou autres, on en a fait des lieux pour abriter des expositions culturelles, des événements, ouais, de l'événementiel au sens large, de l'art contemporain, et également des concerts de rock. C'est aussi valable en Grande-Bretagne, avec des très grands abris publics souterrains, dans lesquels ont lieu, dans les années 70-80, des concerts en faveur de la paix, bon, dont effectivement le groupe Pink Floyd en Allemagne était un des fers de lance, si j'ose dire. Pour Berlin, il y a quand même une spécificité dans ce dossier, c'est le Führerbunker, le mythique, j'ai envie de dire mythique, mais il est tout à fait concret, hein, bunker d'Adolf Hitler, que les autorités allemandes, jusqu'ici en tout cas, ont préféré laisser enterrer pour éviter le développement d'un dark tourisme, tout simplement, et de nostalgique néo-nazi, en faveur d'un parcours plus pédagogique, et sans doute historiquement et idéologiquement plus pertinent qu'est celui de l'exposition sur la terreur. Voilà, la façon dont, dans la topographie de la ville, se déclinait la terreur nazie, l'appareil de terreur nazie, qui se transcrit par un circuit culturel à travers la ville. Bon, mais le Führerbunker n'en fait pas partie aujourd'hui à son emplacement. On a un panneau, hein, très modeste, qui en indique bien la place, et puis on attendra un peu avant de le fouiller, mais ça viendra peut-être un jour. Vincent Carpentier, vous dites que l'archéologue n'est pas le juge du passé, mais un témoin de son actualité. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est le regretté Yves Coppens, qui fait partie quand même de nos maîtres à penser. Ça donne à penser, tous ces vestiges. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai convié à visiter ces lieux de tournage d'Un singe en hiver. Non pas que ce film nous parle directement de la guerre, mais ce qu'il montre en revanche, à travers un traitement artistique, je trouve absolument exceptionnel, d'Henri Verneuil, en 61, ce qu'il nous montre, c'est la rémanence de ces vestiges. Je parlais tout à l'heure, on parlait de béton et d'acier, de travail forcé, de souffrance, de mauvais souvenirs, la collaboration, l'occupation, le service du travail obligatoire, tout ça, ça a profondément marqué la culture, bien sûr française, mais mondiale à différents degrés. Et aujourd'hui, cette archéologie d'un conflit à la fois si lointain et si proche nous renvoie surtout à nos préoccupations présentes. Je rappelle que pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale vient d'être publié aux éditions de La Découverte. Carbone 14 était réalisé par Alexandra Malka, à la technique Julie Garraud, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.